Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de votre magasin Ferlac, qui est maintenant dépositaire de la marque Écotone. Surveillez nos différents circulaires pour voir les différents spéciaux dans les articles de pêche, de chasse, ainsi que le plein air. Le magasin Ferlac, au 727 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-3919. Deux tests. OK. On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Claude qui était en congé la semaine passée, il était aux États-Unis. Salut Claude. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'étais pas nécessairement en congé. Je faisais une livraison de bateau aux États-Unis. Oh! Jusqu'en Illinois. Donc, et monsieur? Un voyage assez rough en fin de semaine, de 40 heures de conduite pendant la fin de semaine. Il y a pas, ouais. J'ai pas eu le temps de me reposer trop. J'étais pas en vacances. OK. Claude, je veux te parler de... ça aurait été mon sujet la semaine passée, la fête de la pêche. On sait que ça fait quand même quoi, 7-8 ans, ça existe, la fête de la pêche? Ouais. Ça, c'est pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est que t'as le droit de pêcher sans permis pendant une fin de semaine. Est-ce que ça, évidemment, ça a été fait pour favoriser la relève de la pêche, donner le goût aux gens à la pêche? Est-ce que ça a donné des résultats concrets? Moi, je trouve pas. C'est que, tu sais, la fête de la pêche, les gens qui sont dans votre région ou dans des régions où il y a plus de pêcheurs et de chasseurs, déjà dans votre région, ça a sa place. Dans la région de Québec, on sait très bien, vous le savez très bien, que les jeunes ne sont pas en tout sollicités par la pêche, le bois et les mouches. Mais non. Ce qu'ils veulent, c'est des iPads, des iPods. Puis des téléphones, puis des jeux. Donc, quand les autres, ils sont pas sollicités pour la pêche, donc la génération, la nouvelle génération, c'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération, mon fils fait partie d'une deuxième, et ses enfants de la troisième. Mon fils était définitivement un pêcheur, mais il rend pas ses enfants pêcheurs pour le moment. Okay. Donc, ça deviendra pas une nouvelle génération. Puis la fête de la pêche, moi, j'appelle ça, j'ai toujours appelé ça la fête du braconnage en ville, parce que les remises de poissons massifs qui sont faites dans des rivières ou dans des petits endroits ou dans des lacs pour inciter les enfants à aller à la pêche, mais en réalité, c'était les papas qui y allaient et qui disaient « Garde, viens, papa va te montrer comment prendre un poisson. Okay. » Et là, le père se prenait au jeu, parce que c'est rarement les mères, mais le père se prenait au jeu à prendre les poissons, puis à le garder, puis montrer aux enfants « Garde, là, c'est une première truite que papa a pris. » Puis là, papa va en prendre une deuxième, puis une troisième, puis finalement, à la fin de la journée, les enfants jouaient avec des grenouilles pendant que les parents prenaient de la truite. Ensemencer dans un même secteur. Donc, moi, j'ai jamais trouvé que la fête de la pêche, c'était un incitatif pour aider les jeunes à revenir dans le bois. Il n'est pas là, l'incitatif. Le gouvernement n'est pas capable de créer de relève, puis on regarde le nombre de permis de pêche, puis le nombre de permis de chasse qui diminue à tous les ans. Et ça va être comme ça, parce que la nouvelle génération, ils seront pas là. Donc, tous les jeunes d'aujourd'hui ne seront pas à pêche, ça c'est sûr. Et c'est dangereux parce qu'il y a un avenir, il y a un enjeu économique vraiment important. Mais la jeune génération, je te parlerai d'une génération de 20 ans, 20 ans et moins, ils ne sont pas du tout à pêche, puis ils n'iront pas à pêche. Donc, d'ici 20 ans, la chasse et la pêche? Ben, 20 ans, je vais être mort, mais je dois dire que ça ne sera pas fort. Parce que, comme je te dis, il y a une diminution à tous les ans. Ouais. De beaucoup à peu près, Claude, hein? De combien à peu près en pourcentage? Est-ce que tu sais les diminutions? Les diminutions? Ouais. Je te dirais que c'est au moins une vingtaine de pourcents. Par année? Depuis non pas par année, depuis quelques années. Je te dirais 4-5% par année. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Puis il y a des pourvoyeurs qui me disaient, je me rappelle d'un ami de chez Réal Massé. Il disait, Claude, là, tous les matins, quand je regarde le Journal de Québec ou le Journal de Montréal, je vois mes clients disparaître, puis il n'y a pas de relève. Les hommes et les femmes qui vont dans les pourvoiries de luxe ou des pourvoiries plus faciles et qui partent, malheureusement, ils n'ont pas créé de relève. Les enfants ou les petits-enfants ne vont pas à la pêche. Ils n'iront pas à la pêche, puis ça ne sera pas les mêmes genres de pêcheurs que vous avez eu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Encore une fois, vous êtes chanceux chez vous, parce qu'il y a un fort potentiel, comme l'Abitibi, de pêcheurs et chasseurs. Donc là, ça se transmet plus de père en fils, mais dans les grands centres, Montréal, Québec. Ben non, oublie ça. Est-ce que ces pourvoiries-là que tu parles, là, est-ce qu'ils misent sur le tourisme européen? Pas beaucoup, parce que les touristes européens, ils vont venir au Québec, okay. Je te dirais, pour faire du chien de traîneau, pour faire de la motoneige, okay. Mais pour faire de la pêche au Québec, tu vas avoir une certaine clientèle qui vont venir pour la pêche au saumon, mais ça s'arrête là. Okay. Les pourvoyeurs ne font pas énormément de pression pour okay. que les pêcheurs viennent au doré. Le doré, le cendre est plus gros en France qu'il est au Québec. Le brochet, les gens vont aller en Irlande, les Européens vont aller en Irlande, c'est à côté. Puis en plus, tous les pays limitrophes à la France, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, ils ont des très, très, très beaux plans d'eau. Puis les Français vont en pêche là-bas. Fait qu'ils ils voyageront pas jusqu'au Québec pour venir pêcher de la truite. C'est pas vrai. C'est des pêcheurs d'ombre. Ombre, ça s'appelle un grayling en anglais. Puis c'est un poisson qu'on retrouve dans les rivières de Vancouver, des rivières d'eau froide. Donc, les pêcheurs français, c'est pas la manne au Québec. Pas du tout. Okay. Conservation du poison... pas du poison, ouais. Mais du poisson. Oui, c'est ça. La conservation du poisson, c'est un domaine qui est très particulier parce que, oui, à Saint-Cy, les nuits sont froides, les journées sont froides et l'eau est froide. Donc, le poisson qu'on va conserver dans un panier de pêche va rester plus au froid parce qu'on n'a pas de grande chaleur. On a eu quelques journées, puis on va en avoir en fin de semaine. Mais le conseil que je vais donner aux gens, ne jamais laisser une truite. On va parler de la truite. On parlera d'une autre espèce plus tard. Parlons de la truite aujourd'hui. Ne jamais laisser de la truite dans l'eau. Okay. Les gens disent, ouais, on va la mettre dans l'eau, on va la conserver. Non. Mettez pas ça dans l'eau. C'est comme si vous preniez votre truite à 70 degrés, puis vous la mettiez sur le comptoir de cuisine pendant une grande journée. Est-ce que vous la mangeriez le soir? Non, parce qu'elle va avoir chauffé. Mais une truite dans l'eau, ça chauffe. L'eau devient à 70 degrés et elle chauffe. Et ça fait que la truite est vraiment moins bonne. Une truite, ça se conserve pas dans l'eau non plus à la surface, traînée avec une chaîne ou une corde. Ou dans une, on appelle ça une bourriche de métal, on met ça là-dedans, puis on laisse ça traîner dans l'eau, non plus. Parce que les rayons de soleil frappent la surface de l'eau, l'eau de surface se réchauffe trop vite, et la truite se conserve pas. Le meilleur moyen pour conserver de la truite, c'est ou une petite glacière dans la glace, ou carrément dans votre panier de pêche avec de la mousse que vous allez récolter au bord avant d'embarquer, ou du papier journal imbibé. C'est la meilleure façon de garder votre truite intacte dans la journée. Mais surtout pas dans l'eau, s'il vous plaît. Gardez pas ça dans l'eau, vous la faites pourrir. OK, OK. Claude, un gros merci. On s'en reparle prochainement. Ben parfait, ça me fait plaisir. Bonne semaine à tout le monde. Notre spécialiste de pêche, Claude Roy.